Et enfin, alors que dans tout le bassin méditerranéen, nous trouvons de nombreux vestiges de l'Empire romain, nous trouvons aussi bien sûr des traces du latin lui-même. Vous savez sans doute que le mot Méditerranée vient de mots latins, media, au milieu, et terranea, des terres. Or, jusqu'au 5e siècle de notre ère, la Méditerranée et son pourtour, qui faisait partie de cet empire romain, était appelée Mare Nostrum, Mare Nostrum, notre mer. Et c'était le latin qui était le ciment de cet immense empire, et notamment le ciment de l'Europe, comme en témoigne ici ou là la fameuse inscription de la formule de la République romaine SPQR, Senatus Populusque Romanus, le Sénat et le peuple romain. Jusqu'au VIe siècle, en effet, le latin fut la langue courante de toute l'Europe. Vous pouvez donc ainsi mieux comprendre pourquoi le latin était appelé Regina Linguarum, Regina Linguarum, la reine des langues. Mais l'idéologie nationaliste lui a préféré d'autres langues, dans lesquelles, certes, quantité de chefs-d'œuvre ont vu le jour, et je n'ignore pas pour autant ces chefs-d'œuvre, de Rabelais à Camus, en passant par Racine ou Rousseau, et en traduction, de Dante à Brecht, en passant par Cervantes ou Buzzati.